إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، فهذا مجلسنا 41 في دراسة هذا الكتاب القيم للشيخ النجمي رحمه الله تعالى. دونك فخيرنا الله عز وجل، سي نوتخ 40e كور دون ليتود de cette risala du Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala. فوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى منهج دعوة التبليغ. Nous sommes arrêtés à ce début de ce chapitre. منهج دعوة التبليغ, la voie de la da'wa des gens ديال التبليغ ou là du groupe ديال التبليغ. فقبل أن يحكم على شيء لا بد من تصوره، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره، فما يمكن أن يكون الحكم عن شيء صحيحا إلا إذا تصورته تصورا صحيحا. وهذه مع الأسف بلية الشباب، أنهم ما يفهمون وما يتصورون المناهج التي عليها هذه الجماعات. Donc, et dans le commentaire qu'a émis Abu Malik sur ce passage, il a émis ce commentaire en ce qui concerne ce titre, la voie du jama'at de la da'wa dans jama'at tabligh. Il a dit, avant de juger quelque chose, il faut s'imaginer la chose. Car émettre une sentence sur une chose découle du fait de se l'imaginer et d'avoir une réelle image de cette chose. Il est impossible qu'une sentence soit correcte ou un jugement soit bon si on n'a pas une bonne image de la chose et de la situation. Et malheureusement, comme dit cher Abu Malik, ça, c'est la grande erreur des jeunes, c'est qu'ils ne comprennent pas, ils n'imaginent pas, ils n'ont pas d'image réelle des voies sur lesquelles sont ces groupes. فالشباب لا شك أنهم يريدون الخير ويبحثون عنه وأنهم يريدون الحق إن شاء الله، ولكن البلية عدم التصور الصحيح، وسبب ذلك عدم العلم. لو كانوا يطلبون العلم طلبا صحيحا ويتلقون العقيدة تلقيا سليما لكشفوا بأنفسهم هذه المناهج الباطلة، لكن ما في علم مع الأسف، وما يتصورون هذه المناهج التي عليها هذه الجماعات تصورا صحيحا، فهم يجهلون الشرع ويجهلون الواقع الذي عليه هذه الجماعات. الشيخ أبو مالك دي كونتينيو دي دير Mais les jeunes, il n'y a aucun doute qu'ils veulent le bien et qu'ils cherchent le bien et qu'ils veulent la vérité, Inch'Allah. Mais il a dit la grande épreuve et le grand problème, c'est qu'ils n'ont pas une image authentique de la situation et des choses. Et la cause de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas de science. Et s'ils demandaient réellement la science, une réelle demande, et s'ils apprenaient la aqida saine, ils auraient vu d'eux-mêmes, ils auraient découvert eux-mêmes la nullité des voix de ces groupes et la nullité des voix dans laquelle sont ces groupes. Mais il dit malheureusement, il n'y a pas de science, donc ils ne peuvent pas donner une image réelle de ces voix, ils ne peuvent pas avoir une image réelle de ces voix, et ils n'ont pas de science, et ils n'ont pas une bonne image et la réelle image de ces groupes, de la voix de ces groupes. Donc, ils sont ignorants au niveau de la législation, et ils sont ignorants au niveau de la voie sur laquelle sont ces groupes. C'est pour ça qu'ils tombent dans leurs mains. ويقول حفظه الله تعالى فالشاب المسلم متى يكون سلفيا وقرة عين ينشرح به الصدر يقول إذا حقق شرطين أن يكون فقيها في الشرع فاهما للسنة محققا لها طالبا للعلم متفقها في الدين وأن يكون على بصيرة وعلم بواقع هذه الجماعات وهذه الأحزاب. Et il continue de nous dire, Hafidhahullah Ta'ala, c'est-à-dire Cheikh Abu Malik, le jeune musulman, quand est-ce qu'il est réellement un salafi très fort, qu'on aime et il dit tout simplement quand il accomplit deux conditions. Quand il a la compréhension de la législation, quand il comprend la sunna et il l'applique, quand il demande la science, donc quand il se verse dans la science de la religion. Deuxièmement, quand il a une clairvoyance, une science sur la réalité des groupes qui existent et des partis qui existent. Donc, Cheikh Hafidhahullah Ta'ala dit, on devient un salafi fort. Quand on a la science, on apprend notre religion. Et quand on connaît aussi la situation dans laquelle baignent ces groupes qui nous entourent. يقول حفظه الله فإذا حقق الشاب هاتين المسألتين كان من الدعاة إلى الله حقا وصدقا لأنه في الشرع طالب علم وفقيه وعنده معرفة بما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده بصيرة بما كان عليه السلف الصالح وهذه أغلب الشباب مع الأسف خاصة شباب هذه الجماعات ما يهتمون بالفقه في الدين. Donc, le Cheikh de continue de nous dire, il dit quand le jeune accompli, quand le jeune accompli, ces deux points essentiels, il est parmi les du'at il Allah véridiquement. Car il est dans Il est un demandeur de la science. Il a une compréhension de la religion. Et il connaît la législation. Il a une connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Ce qu'a dit son messager alayhi salatu wasalam. Il a une clairvoyance de la voix de ses plusieurs d'Allah alayhim. Et il dit, mais malheureusement, beaucoup de jeunes, parmi les jeunes qui sont adeptes de ces groupes, ne s'occupent pas du fait d'apprendre leur religion. أن يكون على دراية بواقع هذه الجماعات وهذه يفقدها كثير من طلاب العلم إلا من رحم ربك فضلا عن الشباب ولذا ترى منهم تزكيات لهذه الجماعة أو يذبون عنها أو يغضبون لها ويغضبون على من يتكلم فيها يقولون له يا أخي ما تتكلم في الجماعات ما تتكلم في الناس وربما استعملوا بعض العبارات الغبية كقولهم الكل يريد الجنة وهذا غباء نسأل الله السلامة والعافية. Donc, Et le deuxième point essentiel que doit acquérir un jeune, avec une fois qu'il a acquis la science, avec la science bénéfique, il doit connaître la réalité des groupes qui existent. Il doit connaître la situation des groupes qui existent, leur voix. Et ceci, beaucoup de demandeurs de science ne l'ont pas. Et encore, moi, les jeunes, ils l'ont. Et il dit, Cheikh Abou Malik, c'est pour ça que tu vois ces demandeurs de science, hein? Ils donnent des tezkiyat. Ils disent du bien de ces groupes, ou ils les défendent, ils se mettent en colère. Quand quelqu'un parle de ces groupes, ils lui disent, Ya akhi, ne parle pas sur les groupes, ne parle pas sur les gens. Et peut-être des fois même, ils utilisent des expressions insensées, comme le fait de dire, tous veulent Jannah. Et ceci, c'est être insensé. Jannah a un chemin. Et pas comme disent les Européens, tous les chemins mènent à Rome. Là, il y a l'islam. Le paradis, l'agrément d'Allah Azzawajal, c'est la voie du plusieurs d'Allah alayhim. وقول الشيخ أبو مالك بل حتى بعض المشايخ فقدوا هذا الأمر الثاني لا شك أن عندهم علم وفقه لكن لا دراية لهم ولا علم لهم بواقع هذه الجماعات وما عندها من العقائد الفاسدة والمناهج الباطلة المنحرفة إما لأن الشيخ ما عنده وقت يطلع فيه ويتتبع أخبار هذه الجماعات أو إما أنه ابتلي ببطانة سوء من الحزبيين فينقلون له صورة غير الصورة الحقيقية لهذه الجماعات وربما بينوا له أن إلياس هذا وحسن البنا مثل ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وربما أوضحوا له أن سيد قطب هذا مثل ابن القيم وإذا جاء أحد أهل السنة انتقد هذا أو ذاك غضب لماذا تتكلم في العلماء لماذا؟ لأن الصورة التي نقلت للشيخ غير صحيحة فينظر إلى هؤلاء أنهم من علماء الإسلام فإذا انتقدوا يغضب كما لو انتقد ابن تيمية أو ابن القيم فهذا هو الغبش الحاصل اليوم Donc frère en Allah عز وجل الشيخ أبو مالك d'attirer notre attention et de dire et même certains mashayikh des fois, ils ne connaissent pas. Ils ont de la science, aucun doute, des chers. Ils ont une grande science, mais ils ne connaissent pas la réalité des groupes. Ils ne connaissent pas les croyances fausses qu'ils ont ces groupes. Ils ne connaissent pas les voies fausses sur lesquelles sont ces groupes. Soit parce que, cher, il n'a pas de temps pour s'occuper de tout ça. Tellement il est occupé dans ses recherches et dans la propagation de la science et l'enseignement, etc., qu'il n'a pas de temps à étudier la situation des groupes. Soit il est éprouvé, il y a autour de lui des particuliers achirs qui sont des hizbi et qui lui transmettent une mauvaise image de la réalité de ces groupes. Et ou alors il lui montre même, il lui parle de Mohamed Ilyas comme si c'est Ibn Taymiyyah, et de Hassan al-Banna comme si c'est Ibn Taymiyyah, ou comme si c'est Mohamed ibn Abdelhab, ou peut-être même qu'il lui dise, il lui donne une image de Sayyid Qutb comme si c'est Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Et si un homme de science critique Ilyas ou Hassan al-Banna ou Sayyid Qutb, il se met en colère. Pourquoi tu parles sur les hommes de science? Parce que l'image qu'on lui a dit de ces hommes, l'image qu'on lui a transmise n'est pas bonne. Parce qu'il voit que ces mashayikh, Hassan ibn, ce sont des hommes de science, selon l'image qu'on lui a transmise. Et donc, quand ils sont critiqués, ils se mettent en colère comme si on a critiqué Ibn Taymiyyah ou Ibn al-Qayyim. Et ça, c'est arrivé aujourd'hui. C'est arrivé à notre siècle. C'est une situation qui est réelle. Fandur al-an, Sheikh Rabi' wa Sheikh al-Atram. Fasma' li hadha al-qawl. Fasma' akhi, hatta ta'lama anna ha'ula. الدعاة والمتصدرون في بلجيكا وفي فرنسا وغيرها الذين يحذرون من الشيخ ربيع ويقولون وبعضهم في ضواحي بارز يقول لا ربيع ولا شتاء تهكما ويقولون هذا المنهج منهج الرد على المخالف، هذا منهج الشيخ ربيع والشيخ النجمي والشيخ محمد أمان، أعوذ بالله من الخذلان. فهذا المنهج وجد قبل أن يولد الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، وقبل أن يحمل لواءه الشيخ ربيع ولا الشيخ النجمي ولا الشيخ محمد أمان رحمهم الله تعالى. يكوت فخيرنا الله عز وجل منتنو parce que maintenant on est entouré de gens, hein? Ici, des gens qui sont sur le terrain d'Yel Dawa, ici en France, en Belgique, en Hollande, un peu partout, en Europe et aux États-Unis, et qui disent et qui avertissent contre Cheikh Rabi', et qui disent, il y a certains dans la région parisienne, ils disent La Rabi' wa la Chita, parce que Rabi', en langue arabe, ça veut dire printemps. Et il dit, c'est pas de printemps et pas d'hiver. Et tout ceci, il le dit par moquerie. Et ils disent aussi que le fait de répliquer au groupe et aux personnes qui sont tombées dans l'erreur, ceci c'est la voix tout simplement du Cheikh Rabi', du Cheikh Najmi, du Cheikh Mohamed Aman. Sache frère en Allah Azza wa Jal, comme nous l'avons répété, nous ne cesserons de le répéter, que répliquer à celui qui est en divergence fait partie du fondement des gens de la Sunna. Et que cette voix existe avant la naissance de Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala qui porte son étendard à notre siècle. Et avant l'existence de Cheikh Najmi Rahimahullah, et avant l'existence de Cheikh Mohamed Aman. Faisma, naqlan an shabakat sahab, lati naqalat hada al-kalam min mawqih al-Sheikh Ali al-Haddadi. Yaqul, fi ihda al-ziyarat al-mubarakati li-Sheikh Rabi' bin Hadi al-Madkhali ila madinat al-Riyad, harasaha Allah, رافقت الشيخ ربيع مع ثلة من طلبة العلم ومنهم ابنه الشيخ الدكتور محمد بن ربيع المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا في زيارة لفضيلة الشيخ صالح الأطرم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في منزله. وقد استقبل الشيخ صالح الشيخ ربيعا ببالغ الحفاوة ودار الحديث حول موضوعات شتى، ولكن لا أنسى ثناء الشيخ صالح في ذلك المجلس على الشيخ ربيع وقوله له ما معناه لم نعرف هذه المناهج إلا بعد قراءة كتبك، ثم قال وإن كان حصل عندي في هؤلاء الشباب شيء من الشك والريبة من زمن، ثم قص علينا قصة أحد الشباب قال جاءني شاب لعله من جماعة مسجد الشيخ وطلب مني أن آذن له في فتح درس في المسجد، قال فأذنت له ثم مرت مدة ولم أسمع درسا، قال فسألته فقال يا شيخ نحن نجتمع في المكتبة بالشباب ونلقي عليهم دروسا فيها، قال فقلت له لا، ولكن تكون الدروس في المسجد وتكون للجميع الكبار والشباب والعوام وغيرهم حتى يستفيد الجميع، وهذا هو الأمر المعهود أن الدروس في المساجد للجميع ولا يختص بها شباب في مكتبة المسجد، ولكن ذلك الشاب رفض النصح وأصر على برنامجه. قال الشيخ فعلمت أن هذا الشيخ الأطرم أن هذا ليس هدفه تعليم العلم الشرعي، وإلا لما اتخذ هذا الأسلوب السري، فمنعته وكتبت كتابة أنبه فيها إلى خطر هذا الأسلوب في المكتبات. والناقل يقول هذا ما أذكره من أحداث تلك الجلسة المباركة، وأسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجبر فيه مصابنا كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشيخ ربيع وأن يبارك في عمره وعلمه وسائر علماء السنة، إنه جواد كريم، آمين. وهذا نقل من موقع الشيخ علي الحدادي. دونك يكون فخيرنا الله عز وجل. Ces phrases qui ont été prises du site de Cheikh Ali Al-Haddadi par Ali Tarabourissi qui les a mis sur Shabakat Sahab. Il dit, lors d'une noble visite de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali à la ville de Riyad, que Allah subhanahu wa ta'ala la préserve, j'ai accompagné Cheikh Rabi' avec un certain nombre de demandeurs de science, et parmi eux il y avait son fils Cheikh, docteur Mohamed Bar Rabi', l'ancien instituteur à l'université islamique avant. Et lors de cette visite, Cheikh Rabi' a rendu visite à Cheikh Salih Al-Atram, chez lui. الله سبحانه وتعالى كوفر الشيخ صالح الأطرم de ce sainte miséricorde. Il a dit, Cheikh Salih al-Atram a reçu, a accueilli Cheikh Rabi' un accueil chaleureux. Et il était content. Et ils ont discuté entre eux sur beaucoup de sujets. Et il a dit, je me rappelle, et c'est ici notre témoignage ici. Et je me rappelle d'un sujet, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été traités, je me rappelle d'un point. Je n'oublierai jamais l'éloge que Cheikh Salih lors de cette assise a fait à Cheikh Rabi' en lui disant, on ne connaît pas ses voix, c'est-à-dire les voix de ses groupes, qu'après avoir lu tes livres. Regardez, un homme de science, Salih al-Atram, il regarde cette reconnaissance qu'il fait. Hein, qu'est-ce qu'ils vont dire ces ministres qui nous entourent ici en Europe? Il dit, Cheikh Salih al-Atram, il dit à Cheikh Rabi', nous ne connaissons pas ses voix qu'après avoir lu tes livres. Et il a dit après, même si dans mon cœur j'avais un doute sur ces jeunes. Et il lui a conté l'histoire d'un jeune. Il lui a dit, un jour un jeune est venu me voir. Ce jeune fait partie de la mosquée d'El Cheikh. Et il dit, c'est-à-dire il est venu voir Cheikh Salih, l'Atram. Il a dit, il m'a demandé de lui donner l'autorisation d'avoir un cours dans la mosquée. Il a dit, je l'ai autorisé. Il a dit, un laps de temps s'est passé, je n'ai jamais entendu de cours à la mosquée. Et j'ai posé la question à ce jeune. Je lui dis, hein? Je lui ai posé, où tu fais les cours? Quand est-ce que tu fais les cours ou pas? Et le jeune a répondu à Cheikh Salih al-Atram, non, on se réunit à la maktaba de la mosquée avec les jeunes et là, je leur fais cours. Et Cheikh Salih al-Atram lui a dit, hein? Non, les cours doivent se faire à la mosquée. Pour les jeunes et les moins jeunes, et pour le commun des musulmans et pour tout le monde, pour que tout le monde puisse en profiter. Et ça, c'est la situation sur laquelle est tout le monde. Et c'est la nature, c'est comme ça que ça doit être. Ce doivent être les cours, ils doivent être à la mosquée pour tout le monde. On ne doit pas réserver une particularité aux jeunes dans la maktaba de la mosquée. Il a dit, mais ce jeune a refusé le conseil. Et il a... Hein, il s'est entêté à continuer son programme. Et Cheikh Al-Atram lui a dit, ainsi je suis, que son but n'était pas d'enseigner la science de la législation. Hein? Pourquoi? Si son but était d'enseigner la science de la législation, pourquoi il a pris ce style? Le fait de s'enfermer et d'enseigner secrètement. Et il a dit, je lui ai interdit. Et j'ai écrit quelque chose sur laquelle j'attire l'attention sur le danger de ce genre de situation. Et ce genre est sur le fait de s'enfermer entre jeunes, hein, et de réserver l'enseignement entre les jeunes. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? On leur parle des gouverneurs, on leur parle comme la lettre qui est arrivée à Cheikh Najmi à laquelle il a répondu à ce jeune. On a dit même notre frère Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, avant qu'il soit à Médine, il était à l'université au nord et comme les Ikhwan ont observé quelque chose de particulier chez lui, il voulait l'attirer dans les cercles d'enseignement privés qui se passaient dans les chambres entre 3 et 4 personnes en général. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé parce qu'à cette époque, il n'avait pas l'arabe. Alhamdulillah. Et juste après... Un an ou deux ans après qu'il lui ait proposé ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'acceptation dans l'université de Médine. Et donc celui qui nous rapporte ces paroles sur ça, il dit, à la chose que je me rappelle, il a dit, c'est ce que je me rappelle durant cette assise, binit min Allah azza wa jal. Et il fait des du'as pour que Allah subhanahu wa ta'ala couvre sa sainte miséricorde, de sa sainte miséricorde sur Salih al-Atram, et qu'il lui donne le paradis, et que il préserve la vie de Cheikh Rabi' et qu'il bénisse sa vie, Inch'Allah, et tous les savants de la Sunna. Regarde, frère, en Allah, Azza wa Jal, les gens du bien reconnaissent le bien. Il n'y a que les gens du bien qui reconnaissent le bien. Comme ça, tu ne te fais pas avoir de ces gens-là qui ne reconnaissent pas le bien des hommes de science. Fa'alul ilma khal islam yuriduna min al-shabab al-muslim an yuhakika hatayni al-mas'alatayn. أن يكونوا فأهل الإسلام فأهل العلم أخ الإسلام يريدون من الشباب المسلم أن يحقق هاتين المسألتين، أن يكونوا في العلم طلابا مجدين متفقهين، وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه أيها الإخوة، أن نعنى بالعلم العناية المطلوبة، فهذا رأس المال، أن يكون لنا نصيب الأسد في العلم. الأمر الثاني أن لا نكون مغفلين سدج، ما نعرف ما الذي عليه الناس، ما نفرق بين السني والرافض والحزبي والسلفي، هذا ما يصلح. دونك الشيخ أبو مالك دو نودير les hommes de science veulent des jeunes musulmans qu'ils accomplissent ces deux points, qu'ils soient des demandeurs de science comme il se doit, qu'ils comprennent leur religion comme il se doit, comme l'ont compris leurs prières d'Allah alayhim. Et ça, c'est la situation sur laquelle nous devons être. Donner l'importance à la science, demander la science comme il se doit, car c'est notre capital, et donner à ce capital qui est la science la part du lion de notre temps. Le deuxième point, c'est qu'on ne soit pas insensé, qu'on ne soit pas un naïf, qu'on sache ce qui se tourne autour de nous, ce qui se dit autour de nous, ce qu'il y a, qu'on sache faire la différence entre le sunni, le rafidi, le hizbi, le salafi. Ne pas faire la différence, ne pas savoir faire la différence entre tous ces gens-là, entre aussi ce groupe-là, cela, n'est pas digne d'un demandeur de science et d'un salafi. فلا بد علينا أن نكون على دراية ومعرفة بواقع هذه الجماعات حتى ننصح المسلمين وننصح شباب المسلمين لأن لا يقعوا في هذه المناهج المنحرفة ولكي لا يخالفوا منهج السلف رضوان الله عليهم. لا بد من هاتين المسألتين. فهون الله عز وجل. Il faut que nous ayons cette connaissance de la réalité dans laquelle on baigne pour conseiller les musulmans. Et pour conseiller la jeunesse musulmane, pour que les musulmans ne tombent pas dans les filets de ces groupes égarés, et pour que les musulmans ne soient pas en divergence avec la voix de leur puiseur d'Allah alayhi. Donc ces deux points essentiels, demander la science et connaître la voie sur laquelle sont les groupes égarés, tout ça est très important. Nous devons l'accomplir dans notre vie. فعلى الشباب أيها الإخوة في الله فعلى الشباب السلفي خاصة وعلى الشاب المسلم عامة أن يعتنوا بالتفقه في دين الله عز وجل العناية المطلوبة، إنه لا ينبغي أن نسرف في مناهج الجماعات ونهمل التفقه في الدين وحفظ ما تيسر من كتاب الله وتعلم لغة هذا الدين وحفظ سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيجب أن تكون العناية بالأمرين، العلم وواقع هذه الجماعات، حتى لا نقع في حبالهم. لا بد من تعلم العلم النافع ومعرفة ظروف وأحوال المخالفين للسنة من أجل النصح لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين وأئمتهم، كما قال السلف رضوان الله عليهم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وأصل هذا حديث حذيفة بن اليمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يقول: كان الناس يسألون عن الجنة وعن الأمور التي توصل إلى الجنة، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه، رضي الله عنه وأرضاه. Donc il est du devoir de la jeunesse salafi et des jeunes salafi et du musulman et de la jeunesse musulmane en général de s'occuper à comprendre leur religion et à apprendre leur religion et à la comprendre comme leur puiseur d'Allah alayhim, et à s'occuper de ça comme il se doit. Ce n'est pas juste qu'on exagère ou qu'on va à l'extrême dans le fait de connaître les voies des groupes et les voies des égarés, et qu'on néglige le fait de comprendre notre religion et d'apprendre une part du livre d'Allah Azza wa Jal, et d'apprendre et de maîtriser la langue de cette religion, et d'apprendre la sunna du prophète alayhi salam. Notre devoir, c'est d'occuper des deux choses: avoir la science, apprendre une part du livre d'Allah Azza wa Jal, ou tout le livre d'Allah Azza wa Jal, apprendre une part de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et connaître aussi la réalité des groupes qui sont en divergence avec la sunna et avec la voie du puiseur d'Allah. Il faut qu'on s'occupe de la science bénéfique. Il faut qu'on connaisse aussi les voies et les situations dangereuses dans lesquelles sont ceux qui sont en divergence avec la sunna, pour conseiller, pour remplir notre devoir du conseil, le conseil pour Allah, pour le livre d'Allah, pour son messager, pour le commun des musulmans et pour les imams de cette communauté. Et comme il a dit l'un de nos plusieurs d'Allah alayhim, j'ai connu le mal, non pas pour le mal, mais pour ne pas y tomber. C'est-à-dire qu'il a connu le mal pour qu'il ne tombe pas dans le mal. Car celui qui ne connaît pas le mal risque d'y tomber. Et ça, ça a une origine, ça a une preuve. C'est la parole de Hudayfa ibn al-Yamama, radiyallahu ta'ala anhu warda, qui disait, les gens, c'est-à-dire les compagnons à son époque, demandaient à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui va les rapprocher du paradis va les amener en paradis. Il a dit, moi je posais au prophète alayhi wa sallam des questions sur le mal, pour ne pas tomber dans le mal. Pose des questions pour connaître le mal, pour ne pas y tomber. Fakhal Islam. Fashabab al-Muslim, Shabab al-Muslim, إذا حققت هاتين المسألتين أي طلب العلم والتفقه في دين الله ومعرفة ما عليه هذه الجماعات صاروا دعاة كما ينبغي وعلموا شر هذه الجماعات وضلالهم ومخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفتهم لما كان عليه السلف الصالح وهذه هي النتيجة إذا قام الشاب بهذين الأمرين Donc, la jeunesse de l'islam, s'il a compris ces deux points, ils vont devenir des réels prêcheurs, comme il se doit. S'ils maîtrisent la science, ils ont la compréhension de la religion, et ils connaissent la situation et les voies de ces groupes et l'égarement de ces groupes, et ils connaissent les points de divergence de ces groupes, leur point de divergence avec la sunna du prophète et avec la voix du puiseur d'Allah alayhim, ils vont être des réels prêcheurs. Ils vont être des gens qui ont une clairvoyance. Ils vont être d'un bon conseil pour la communauté. ولكن من أين يأتي الخلل أيها الإخوة في الله؟ الخلل في النتيجة يأتي من قلة العلم ومن قلة البصيرة ومن قلة الفهم والدراية لظروف وأحوال هذه الجماعات. فخيرنا الله عز وجل. D'où arrive nos lacunes maintenant? Il arrive du manque de la science, et du manque de la clairvoyance, et du manque du fait qu'on ne comprend pas les situations et les voies de ces groupes égarés. وإذا رأيت أخ الإسلام شيخا شيخا يثني على التبليغيين أو يزكي أحدا من الإخوان المفلسين أو السروريين فيقول الشيخ أبو مالك لا تقدح في علمه فهو عالم ها ويعتذر له بأنه ليس عنده وقت للاطلاع المطلوب على أحوال هذه الجماعة وهؤلاء الناس والله يقول الشيخ أبو مالك لو أن الشيخ هذا على ما عنده من العلم والعقيدة الصحيحة لو اطلع الاطلاع المطلوب وتتبع التتبع المطلوب الذي يبنى عليه الحكم بناء صحيح والله لرماهم بالبدعة والضلالة. Écoute aussi, frère en Allah Azza wa Jal, pour que tu sois épargné de ne pas parler en mal des grands hommes de science. Si tu vois un des hommes de science, ne doute pas sur leur vertu et leur science. Et qui fait des éloges à Tbliriyin, ou qui fait des éloges à un adepte d'El Ikhwan ou à un Sorori, ne critique pas la science de cet homme de science. C'est un homme de science. Mais ce qu'il faut critiquer, et ce que critiquent les sciences, c'est le fait qu'il ne connaît pas la situation de ces groupes. Et certains hommes de science lui trouvent une excuse. Quoi ? Il n'a pas le temps de étudier la situation de ces groupes et de ces gens. Ou peut-être il a des privés qui sont des hizbis qui lui embellissent la situation et l'image et la voie sur laquelle sont ces groupes et ces hizbis. Et Cheikh Abu Malik de dire par Allah, c'est ce Cheikh avec la science qu'il a, il a l'aqida authentique qu'il a, si il faisait des recherches comme il se doit sur ces groupes et sur ces personnes, il va émettre la sentence de l'égarement sur ces personnes et sur ces groupes sans aucun doute. ويعطينا الشيخ مثال هنا فاسمعوا لهذا المثال لهذا الجبل فهذا من سلفنا ومن علماء الأمة ومن الأمثلة التي يقتدى بها. هذا الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق للسعودية قبل ابن باز رحمه الله جميعا كان رجلا مشغولا جدا، الوظائف الدينية كانت كلها عنده، القضاء والرئاسة والأمر بالمعروف والتعليم، كل القضايا كانت عنده. بعدما توفي رحمه الله يقال أن وظائفه توزعت على 4 أو 6 وزارات، ومع ذلك هذا الرجل كان إمام عصره في السنة، وهو شيخ المشايخ الشيخ بن باز والشيخ بن حميد كلهم تلاميذه. وهذا الرجل على ما عنده من العلم والرسوخ، وكذلك الانشغال التام بأمور الدولة وأمور الناس، هذا رجل خذه مثالا أخ الإسلام. جماعة التبليغ في زمن الملك فيصل رحمهم الله أرادوا أن يقيموا له دعوة في السعودية ومركزا، وأرسلوا كتبا ألفوها تبين منهج الجماعة للمسؤول في السعودية، والملك فيصل حولها إلى المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم فنظر فيها واطلع عليها، وهنا الشيخ محمد بن إبراهيم حقق الأمر الثاني، الاطلاع على الجماعات وظروف الجماعات، ثم كتب خطابا للملك يقول فيه إن هذه الجماعة جماعة ضلالة، جمعية ضلالة وجماعة ضلالة وبدعة، وهذا معروف ومدون عنه رحمه الله، وسأقرأ عليكم نص رسالته من القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ التوجري رحمه الله تعالى. Maintenant, frère الله عز وجل, voici un noble exemple que nous donne Abu Malik, حفظه الله تعالى. Un exemple qu'il faut suivre parce qu'il fait partie des hommes de science et ceux qui y sont sur la voie de leur plusieurs ordres d'Allah alim. C'est l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, رحمه الله تعالى. Qui était avant Ibn Baz, le mufti d'Arabie Saoudite. C'était un homme qui était occupé. Il avait beaucoup d'occupations, beaucoup de fonctions. Toutes les fonctions religieuses étaient sous ses ordres et sous ses mains. La justice était sous sa main. La présidence du comité des hommes de science était sous sa main. La présidence et du comité du fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal était sous sa main. La responsabilité de l'enseignement était sous sa main. Beaucoup de domaines étaient sous sa main. Et après sa mort, pour te rendre compte de la situation, de la responsabilité qu'il avait cet homme, rahimahullah, après sa mort, on dit que ses fonctions ont été divisées et partagées entre 5 ou 6 ministères. Regardez ce qu'accomplissait cet homme. Et malgré tout ça, cet homme était l'imam de son siècle, dans la sunna, dans la jurisprudence. Et c'est Cheikh al-Mashayikh, c'est le professeur d'Ibn Baz, rahmatullah alayhim, et de Cheikh Ibn Hamid, rahimahullah ta'ala. Tous ce sont ses élèves. Et cet homme, malgré les fonctions qu'il avait, et il avait une science profonde, et cette préoccupation qu'il avait à régler les situations de l'État et certains problèmes de l'État et beaucoup de domaines, il s'occupait de beaucoup de domaines dans l'État et il s'occupait des situations des gens et de régler leurs problèmes. Cet homme, tu dois le prendre comme exemple, l'Akhal Islam. Il faut le prendre comme exemple parce que Jama'at Tabligh, à l'époque du roi Faisal, voulait ouvrir des centres en Arabie Saoudite. Ils ont écrit des petits livrets qui montre la voie de cette jama'a, et ils l'ont envoyé, ils l'ont amené aux responsables en Arabie Saoudite. Et le roi Faisal, rahimahullah, a donné tous ces petits livrets avant de prendre la décision au mufti, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Regardez comment les rois ils étaient. Avant de prendre des décisions, ils demandaient au mufti d'abord. Ils demandaient la sentence d'Allah, Azza wa Jal. Que dit la législation? Est-ce que ceci correspond à la sunna ou pas? Là, tu trouves comme quoi ils sont insensés, ceux qui critiquent le roi Faisal et les rois d'Arabie Saoudite. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Donc, le roi Faisal a donné ses livres à Mohamed Ibn Ibrahim. Et ses livres, ont été étudiés par Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim. Mohamed Ibn Ibrahim, ici, il a accompli le deuxième point essentiel que nous devons acquérir, le fait de connaître les voies du groupe. Il avait la science et il connaissait la situation des groupes. Et cette science qu'il avait lui a permis, tout en connaissant la réalité des groupes, cette science lui a permis de déceler le faux et les erreurs de ce groupe. Il a écrit un discours, une lettre qu'il a envoyée au roi. Il lui a dit, cette association, cette jama'a, c'est une association d'égarés et d'égarements et d'innovation. Et ceci est écrit. Et je vais vous le lire du début jusqu'à la fin du livre d'Yal Cheikh Twijri, rahimahullah ta'ala, dans son livre « Al-Qawl al-Balir fi al-Tahdir min Jama'at Tablir »« La parole claire pour avertir contre Jama'at Tablir » فاسمعوا لرسالة هذا الإمام رحمه الله من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود رئيس الديوان الملكي الموقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La lettre commence ainsi de Mohamed ibn Ibrahim à son à sa majesté le prince Khalid ibn Saoud, le responsable du diwan royal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول الشيخ فقد تلقيت خطاب سموكم المرقم ب رقم 37 45 DV 21 الدال والفاء والياء 21 في شهر 1 من السنة 1382 للهجرة. Il a dit, il répond au prince qui lui a, il a dit, j'ai reçu votre lettre qui porte le numéro 38/4/5 DVI et qui est daté du 21-1 de l'an 1382 de l'Égir. تلقيت خطابكم خطاب سموكم وما برفقه وهو الالتسام المرفوع إلى مقام حضرة صاحب الجلال الملك المعظم من محمد عبد الحامد القادري وشاء أحمد نوراني وعبد السلام القادري وسعود أحمد دهلوي حول طلبهم المساعدة في مشروع جمعيتهم التي سموها كلية الدعوة والتبليغ الإسلامية وكذلك الكتيبات الثلاثة المرفوعة ضمن رسالتهم. وأعرض لسموكم أن هذه الجماعة الجمعية لا خير فيها فإنها جمعية بدعة وضلالة وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور والشرك الأمر الذي لا يسع السكوت عنه ولذا فسنقوم إن شاء الله بالرد عليها بما يكشف ضلالها ويدفع باطلها ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته والسلام عليكم ورحمة الله. الصفحة الثانية من مجموع فتاوى الشيخ صفحة 405 وكان الكتاب بتاريخ 29/1/1382 للهجرة. Donc, regardez maintenant ce que contient cette lettre que le mufti Mohamed ibn Ibrahim a envoyée au roi. Il lui a dit, j'ai lu et je me suis occupé de cette lettre qu'on m'avait envoyée, que le roi m'a envoyée, avec ce qui accompagne cette lettre, qui sont ces petits livrets, ces petits livres qui lui ont été adressés par Mohamed Abdelhamid al-Qadiri, Isha Ahmed Nourani, et Abdelslam al-Qadiri, et Saoud Ahmed al-Dahlawi. Et ces gens-là demandaient de l'aide pour leur projet, pour créer leur association, pour le projet de leur association qu'ils ont appelé la faculté du da'wa et du tablir islamique. Il a dit, j'y jetais un coup d'œil sur leur message, sur ce qu'ils ont écrit, et sur les trois livres qu'ils vous ont adressés, et je vous expose à votre majesté, et je vous dis que cette jam'iyya, que cette association, il n'y a aucun bien dedans. C'est une jam'iyya d'innovation et d'égarement. Et avec la lecture des petits livrets que vous m'avez envoyés avec leurs lettres, j'ai trouvé que ces livrets contiennent l'égarement, l'innovation, l'appel vers l'adoration des tombes et l'associationnisme. La situation sur laquelle on ne peut pas se taire. Et il dit, c'est pour ça que nous allons, Inch'Allah, le répliquer avec des choses qui vont montrer leur égarement et leur nullité. Et il dit à la fin, une demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse triompher sa religion, fasse que sa parole soit la plus haute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et ceci est repris du fatwa de Mohamed Ibn Ibrahim à la page 405. Et il est daté cette risala que Mohamed Ibn Ibrahim a adressé au roi du 29e jour du premier mois de l'année de l'Hégire 1382. فالشيخ محمد بن إبراهيم لما اطلع وعرف حقيقة الجماعة حكم عليها بهذا الحكم وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله وكان في السابق يثني على هذه الجماعة وفي الآخر سنتين قبل موته رحمه الله جعلها من الفرق الهالكة كيف تغير حكم الشيخ بن باز رحمه الله تغير لما تبينت له الأمور وهكذا يا إخوان جميع الجماعات وجميع الرؤوس وجميع الأحزاب دونك regardez ici frère الله عز وجل comment الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله a connu la réalité de ce groupe. Il a émis la sentence qu'il faut sur ce groupe. Il en est de même pour الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. Auparavant الشيخ بن باز faisait des éloges à Jama'at Tabligh. Mais deux ans avant sa mort, rahimahullah, il a dit que Jama'at Tabligh fait partie des groupes égarés. Et son jugement a changé. Qu'est-ce qui a fait changer le jugement d'Ibn Baz, rahimahullah, ta'ala? Des choses. Il lui a apparu des choses. Il a connu des choses. Hein? Et il a connu l'égarement de ce groupe. Et il en est ainsi pour tous les groupes, frères en Allah, azza wa jal, et pour toutes les têtes de ces groupes et de ces partis. فأخ الإسلام العلماء الذين يزكون هذه الجماعات والله لو اطلعوا على أحوالهم لبدعوهم وضللوهم إلا إذا كان عندهم أغراض شخصية فهذه بلية ولكن علماء السنة الذين جمعوا بين العلم والتقوى والإخلاص وسالوا على منهج سلفهم ما عندهم أغراض ما عندهم أهواء شخصية ولا أغراض شخصية إذا تبين لهم الأمر حكموا بما يقتضيه شرع الله عز وجل اتباعا للأدلة واتباعا للسنة واتباعا لمنهج سلفهم الصالح رضوان الله عليهم. Et les hommes de science qui ont fait des éloges à Jama'at al-Tabligh ou à Jama'at al-Ikhwan ou autres, si ils connaissent la réalité de ces groupes, ils vont les rendre innovateurs. Ils vont décréter que ce sont des égarés. Sauf s'ils ont des intérêts personnels. Et ça, c'est énorme. C'est une preuve énorme. Mais les hommes de la sunna, les hommes de science de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, et ceux qui suivent la voie de leur puissant droit, Allah alim, n'ont pas d'intérêt personnel, ne suivent pas leur passion, ils n'ont pas d'intérêt personnel. Quand ils connaissent la situation telle qu'il est et le groupe tel qu'il est, ils mettent la sentence qui lui convient. Ils le jugent comme le veut Allah et comme le veut, comme le décrète la sunnah de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils suivent dans ça la voie de leur puiseur d'Allah alayhi. C'est pour ça, Inch'Allah, quand on terminera le livre de Cheikh Najmi, je vais le suivre aussi d'une réplique qu'a fait Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, à la tazkiya de Cheikh Abou Bakr al-Jazairi de ce groupe. فانظروا إخوة الإسلام انظروا إلى القصور في التصور في من كان يعادي وهذا مثال آخر لننظر إليه أيها الإخوة انظر القصور في التصور لهؤلاء الذين كانوا يعادون دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لماذا كانوا يعادونها؟ لأنهم ما كانوا يعرفون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على حقيقتها. كانوا من العلماء وكان عندهم علم في مشارق الأرض ومعاربها ومع ذلك يقدحون في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وخللهم ليس في العلم ولكن خللهم في التصور، فعادوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولكن بعضهم عندما عرف حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب زكاها ودعا إليها ودعا لصاحبها. Regardez, mais c'est aussi une autre image, un autre point de vue, pour que vous compreniez les situations, si ce point de vue attire notre attention, cher, sur lequel attire notre attention, Cheikh Abu Malik, hafidhahullah ta'ala. Quand on n'a pas une image réelle de la situation, on devient l'ennemi de quelque chose. Regardez maintenant, parmi des hommes de science qui avaient la science, à l'époque de Cheikh Mohamed bin Abdelhab, ils étaient ennemis de Cheikh Mohamed bin Abdelhab. Ils avaient la science, ils étaient ses ennemis. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas la réelle image de la da'wa de Mohamed bin Abdelhab. Parce que ceux qui leur ont décrit la da'wa de Mohamed bin Abdelhab, ils ont faussé l'image de cette da'wa. Mais quand ils ont connu la réalité de la da'wa de Mohamed bin Abdelhab, après eux-mêmes, ils ont fait l'éloge de cette da'wa, ils ont appelé à cette da'wa, ils ont fait des du'a pour Mohamed bin Abdelhab, rahimahullah ta'ala. Wa yudkaru an al-shaykh Abdullah al-Bakri, رحمه الله، كان هذا من تلاميذ عبد الله بن عبد اللطيف، وهو شيخ للشيخ محمد بن إبراهيم وعمه رحمهم الله جميعا، وكان عالم نجد. عبد الله بن عبد اللطيف كان عالم نجد في زمانه، وهذا عبد الله البكري من تلاميذه، وسافر إلى الهند وكان يجلس إلى عالم هندي هناك له تلاميذ ودرس. وهذا عبد الله البكري كان تاجرا، وكان هذا العالم الهندي عندما يفرغ من درسه يلعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والطلبة يؤمنون. فهذا الشيء هم الشيخ عبد الله البكري هما شديدا. هذا الهندي عالم وفصيح في اللغة، كيف يدعو على هذا الإمام؟ Écoutez maintenant sur cette histoire pour comprendre les situations. Que le fait de ne pas bien s'imaginer une situation, de ne pas avoir la réelle image d'une situation, ça fausse la sentence. C'est pour ça, quand on demande un verdict à un homme de science, frère en Allah, il faut lui étaler la situation comme il se doit. Il faut lui donner la réelle image de la situation pour avoir le verdict adéquat à la situation. On rapporte d'un cheikh qui s'appelle Abdullah al-Bakri, et il était l'un des élèves de Abdullah ibn Abd al-Latif al-Cheikh, qui est le cheikh de Mohamed ibn Ibrahim, rahimahumullah ta'ala, et qui est son oncle en même temps. Et cheikh Abdullah ibn Abdullatif était l'un des savants de Najd à son époque, un grand savant de Najd à son époque. Et ce Abdullah al-Bakri était l'un de ses élèves. Et ce Abdullah al-Bakri voyageait, était commerçant, il avait un commerce aussi en Inde. Et quand il est en Inde, il s'assoit dans une assise de science d'un savant hindou. Et ce savant indien, il a un cours et il a des élèves. Et Abdullah al-Bakri assistait à ses cours. Mais il y avait une chose qui chagrinait Cheikh Abdullah al-Bakri, c'est quand cet homme de science terminait son cours, il faisait dua contre Mohamed ibn Abdelhab et les talabas, les étudiants, disaient Amin. Et ça chagrinait beaucoup Cheikh Abdullah al-Bakri. Il disait, c'est un Indien qui a tellement de science, et qui est un homme de science, et qui a cette éloquence dans la langue arabe, comment il fait dua contre ce grand imam de la communauté? Le mouhim, ikhwat al-islam, هذا عبد الله البكري رحمه الله تصرفا ذكيا أخذ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب ونزع الغلاف. وكان هذا العالم الهندي يمر على البكري في دكانه ويقول البكري، كان يمر علي هذا العالم الهندي ويخاطبني باللغة العربية ويقول أنه يحب أن يسمعها من أهلها وأن يتحدث بها معهم. وكان يجلس عند البكري، ومرة وضع البكري كتاب التوحيد الذي نزع غلافه على الرف. ولما جاء العالم الهندي وجلس، فعبر له البكري بأنه سيذهب يأتي ببطيخة. Maintenant regardez, l'essentiel, c'est que ce Abdullah al-Bakri, rahimahullah, a agi d'une façon intelligente. Il a pris le livre d'Yel Tawhid de l'imam Mohamed ibn Abdelhab, il a arraché les pages sur lesquelles il y avait le nom. Et ce savant indien passait souvent par la boutique d'Al-Bakri et restait avec lui un petit moment, et il s'adressait à lui avec la parole. Et ce savant indien disait à Abdullah al-Bakri, rahimahullah, jami'an, qu'il aimait bien entendre la langue arabe des Arabes. Il aimait bien discuter et avec les Arabes. Il restait avec le Bakri et discutait avec eux. Et une fois, le Bakri a posé ce livre d'Yal Tawhid, auquel il a arraché la couverture, il l'a posé sur le comptoir. Et quand cet Indien, ce savant Indien est arrivé, il s'est assis. Le Bakri s'est excusé, il lui a dit, je vais aller chercher un petit melon. Et يقول البكري فلما جئت إذا بهذا العالم يتصفح الكتاب فلما جلست قال لي ما شاء الله كتاب من كتاب من هذا هذه تراجم الإمام البخاري هذا نفس البخاري فقال له هذا كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال الهندي الكافر فسكت وسكت فكأنه عاد إلى رشده فانظر إلى هذا التصور الذي كان عند هذا العالم فقال إن كان هذا كتابه فقد ظلمناه فقال إن كان هذا كتابه فقد ظلمناه البكري دو نودير رحمه الله تعالى Quand je suis revenu, j'ai trouvé ces savants indiens en train de feuilleter le livre de Diyal Tawhid de Mohamed Abdel Wahhab. Et quand je me suis assis, ces savants m'ont dit, Masha'Allah, à qui appartient, qui a écrit ce livre? Ça, ce sont les titres de l'imam al-Bukhari. Ça, c'est la même façon de faire de l'imam al-Bukhari. Regardez comment les hommes de science reconnaissent. Très vite. Il dit, ça, c'est la façon de faire de l'imam al-Bukhari. Et Cheikh al-Bakri s'est tué un petit moment et lui a dit à Cheikh, ça, c'est le livre d'Al-Tawhid de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ce savant indien a dit tout de suite, ce mécréant. Le Bakri s'est tué et l'homme de science s'est tué comme s'il est revenu à lui-même. Et il a attendu un petit peu. Regarde ce que fait le fait qu'on donne à l'homme de science une mauvaise image d'une chose. Regarde où est-ce que cela amène. Et donc l'homme de science s'est tué, l'homme de science indien s'est tué. Et quand il est revenu à lui-même et à sa raison, il a dit, si ça c'est le livre de Mohammed ibn Abdul Wahhab, donc nous avons été injustes avec lui. Nous avons été injustes avec lui. وقال البكري رحمه الله تعالى فكان هذا الشيخ بعد ذلك في درسه إذا فرغ من الدرس يترحم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب والطلبة يؤمنون فهذا مثال على عالم من العلماء كان عنده خلل في تصور دعوة محمد بن عبد الوهاب وإلا كان وصفوا له دعوة محمد بن عبد الوهاب وصفا باطلا. Et après le Bakri de nous dire, Rahimahullah, et ce savant indien, Rahmatullah alayh, après son cours, après cet incident, après son cours, quand il termine son cours, il faisait dua à Mohammed ibn Abdul Wahhab et ses talabas disaient Amin. Regardez cet exemple de cet homme de science, un homme de science parmi les hommes de science. Pourquoi il était l'ennemi de la da'wah de Mohammed ibn Abdul Wahhab? Peut-être qu'on lui a donné une mauvaise image, une image fausse de la da'wah de Mohammed ibn Abdul Wahhab. هنا يقول الشيخ حفظه الله تعالى الشيخ أبو مالك فلا بد لكم أيها الشباب من علم نافع وتصور صحيح ولذلك عليكم أيها الشباب أن تعتنوا بكتب المنهج لأن هذه الكتب تعطيك تصورا صحيحا عن واقع المخالفين للسنة من الجماعات والأحزاب والرؤساء والرموز حتى إذا حذرت منهم تحذر منهم بحجة. Mon frère, Allah Azza wa Jal, et de là, Cheikh Abu Malik, Hafidhahullah Ta'ala, de dire, il faut, aux jeunes, il faut que vous s'acharniez à l'apprentissage de la science bénéfique, et que vous ayez une réelle image des situations. Il faut, avec la science bénéfique, que vous occupiez ici du livre d'Yal Menhej, parce que ces livres vous donnent une réelle image des situations. Une réelle image de la situation de ceux qui sont en divergence avec la sunna. Une réelle image de ces partis qui vous entourent et de leurs leaders et leurs emblèmes. Et quand vous avertissez les gens contre eux, vous les avertissez avec preuve. كثير من الناس الآن يدافعون عن سيد قطب لأنهم ما عندهم التصور الصحيح السليم لواقع هذا الرجل ولمؤلفاته وكتبه ولو اطلعوا على ما عندهم من البلايا والرزايا والبدع والمخالفات لتبرؤوا منه، وربما بدعوه، بل ربما فعلوا أكثر من ذلك. دونك فهنا الله عز وجل regardez parmi ceux qui nous entourent beaucoup de gens font l'éloge à Sayyid Qutb parce qu'ils n'ont pas une réelle image, une image saine, hein, des livres et des catastrophes qu'il y a dans les livres de cet homme. Si ils se penchent comme il se doit sur ces livres, ils vont se rendre compte des calamités qu'il y a dans ces livres. Ils vont toutes les brûler. Ils vont se rendre compte des innovations et des divergences qu'il a avec la voie du Puisé, avec la Sunna. Ils vont le désavouer. Peut-être qu'ils vont le rendre innovateur. Ils vont peut-être aller plus loin que ça. فعلى كل حال أيها الإخوة في الله إننا اليوم نحتاج إلى العلم النافع ونحتاج إلى التصور الصحيح حتى يكون حكمنا مبنيا بناء صحيحا على علم ومعرفة. فإذا اختل العلم اختل الحكم، وإذا اختل التصور اختل أيضا الحكم. إخوة الإسلام، فإن الله عز وجل l'essentiel de la situation. Aujourd'hui nous avons besoin de sciences bénéfiques et d'avoir une image authentique des situations pour que notre jugement, une sentence soit construite sur quelque chose d'avenant, qu'elle soit construite sur, basée sur une science bénéfique et sur une connaissance de la, réelle de la situation. Si on n'a pas la science, ben notre sentence va être mauvaise. Et si on n'a pas la réelle image de la situation, ben notre sentence va être mauvaise aussi. كثير من الشباب الآن يدافعون عن داعي اسمه قسطيط في بلجيكا ومن معه كحداش وهذا وهذا وجماعة من الدعاة في بلجيكا، مع أنهم مع هؤلاء قسطيط وحداش وداود كلهم مع عدنان عرعور، وهذا عدنان عرعور حدر منه المشايخ كالشيخ الفوزان والشيخ ربيع وجمع من أهل العلم، وفي مركزهم الإسلامي ببلجيكا استقبلوا عايد القرني واستقبلوا أكثر من عايد القرني هذا الجفري القبوري. كذلك في باريس فيه دعاة استقبلوا عندهم علم وكذا، ولكن استقبلوا في مركزهم عايد القرني وسووا مظاهرات احتجاجا على إغلاق مسجدهم، وهذا أمر خطير إخوة الإسلام. دونك regardez, frère, on a Allah Azza wa Jalla. Maintenant, beaucoup en France, on se retrouve dans le sud de la France, un petit peu partout. Beaucoup de jeunes qui défendent maintenant certains du'ats de Belgique. Qasthit, Daoud Virbindam, Haddash, et j'en passe. Un certain ensemble de du'ats francophones. Nous, on n'a rien contre qui que ce soit. On veut qu'il y ait plus de du'ats, mais sur la voie de nos plusieurs, d'Allah alayhi. Alors que ces du'ats font partie du groupe d'Adnan Ar'our. Ils le défendent. Ils l'accueillent dans leur centre. Alors qu'Adnan Ar'our, Cheikh Fawzan a averti contre Adnan Ar'our. Cheikh Rabi a averti. Beaucoup d'hommes de science ont averti contre eux, Adnan Ar'our. Eux, ils l'accueillent dans leur centre. Hein? Et je vous ai raconté une fois, avant qu'apparaissent les erreurs d'Adnan Ar'our, ils étaient derrière moi, Daoud et Adil, ainsi que Shoua, ainsi que Aznagi, Hada Abu Shayma. Ils étaient tous derrière moi quand j'ai posé la question à Adnan Ar'ur si on peut sortir avec Jama'at Tabligh. Il a dit, qui t'empêche de sortir avec eux? C'est-à-dire, sors avec eux. Ils n'ont pas levé le doigt. Et dans leur centre islamique, à Bruxelles, ils ont accueilli Aïd Al-Qarni, au mois de février dernier. Il y a deux ans encore, ils ont, dans leur centre, je ne sais pas si c'est eux qui sont à l'origine ou pas, mais en tous les cas, dans leur centre, hein, a intervenu le Jufri, Soukobori aussi, il y a deux ou trois ans en arrière. Vas-y, Iqstit. C'est un de nos frères qui sont des du'at et dignes en Angleterre. Nous compte une histoire. J'étais là-bas et j'ai discuté avec sur la situation de Belgique. Et c'est quelqu'un qui était à la même classe que lui. Il m'a dit que ce qu'il connaissait de Tuqstit, c'est qu'il était atteint du mouvement Sorori. Hein? Et que une fois, ils sont allés ensemble chez Cheikh Al-Utaymin à Nuiza, de Médine à Nuiza. Et sur le retour, notre frère Abu Hakim de Birmingham le conseillait et lui dit, va voir, au lieu de rentrer dans la fitna de Mohamed Sorol et tout ça, va voir le Mashaïr. Et à l'époque, Cheikh Rabi était encore à Médine. Va voir Cheikh Rabi, va voir le Mashaïr avant de prendre position, avant que tu tombes dans cette fitna de Mohamed Sorol. Mais il n'a pas accepté, d'après ce qu'il m'a raconté notre frère Abu Hakim à Birmingham. Donc, frère, on a Allah, Azzawajal, on n'a aucune haine contre qui que ce soit. On aime nos frères parce que ce sont nos frères, on a Allah, Azzawajal. Non. Mais il y a une particularité. Nous devons être particuliers. La sunna, la salafia veut de nous de porter étendard haut et clair l'emblème de la sunna. Que ça plaise à certains, que ça déplaise à d'autres, peu importe. L'essentiel, c'est l'agrément d'Allah Azza wa Jal. L'essentiel, c'est qu'on défende cette voie comme l'ont défendu les plusieurs d'Allah Alim. L'essentiel, c'est de suivre les hommes de science sur cette voie-là. Et de ne pas laisser la porte à n'importe qui et de ne pas laisser des idées s'immiscer dans l'esprit des jeunes et voir notre jeunesse s'égarer comme ça. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiya. On doit faire attention, frère, on Allah Azza wa Jal. Revenons au livre de Cheikh Najmi, Hafidhahullah ta'ala, Rahimahullah ta'ala. Yaqulu Rahimahullah, manhaj da'wat al-tabligh. قال الشيخ سعد الحصين لا يعرف عن الجماعة إصدار وثيقة واحدة عن منهجها فهي لا تستخدم نظم الإدارة الحديثة في تسيير شؤونها وإنما يتم التخطيط والتنفيذ بالطريقة البسيطة الأولى دون حاجة إلى الثقافة العالمية المستوردة ولا يظهر من منهجها للمشارك العادي في نشاطها إلا قراءة الصور العشر الأخيرة من القرآن مع فاتحة الكتاب والقراءة في كتاب رياض الصالحين للنووي وكتاب حياة الصحابة للكندهلوي قصص عن الصحابة لا يثبت أكثرها وهما للعرب خاصة وكتاب تبليغ نصاب لمحمد زكريا وهو لغير العرب وهو في فضائل الأعمال ويقوم على القصة والحديث الضعيف والموضوع والخرافة والبدعة غالبا ولا يخلو من الشرك وسأعرض أمثلة قليلة إن شاء الله يضاف إلى ذلك أصول الجماعة الستة وتغلب عليها في الأعوام الأخيرة تسميتها بالصفات الست المختارة من صفات الصحابة ويبدو أن قيادة الجماعة لجأت إلى هذا التغيير للتخلص من اتهامها باستبدال أصولها الستة عن أركان الإسلام الخمسة. Donc nous revenons au chapitre de Cheikh Najmi رحمه الله تعالى La voix de la da'wa ديال التبليغ. Cheikh Al-Hussein, c'est-à-dire dans son livre La réalité de la da'wa, Cheikh Al-Hussein, je vous ai dit qu'il a fait 8 ans avec eux et qu'il les défendait à un moment donné. Et c'est lui qui a éclairé les grands machaïrs comme Cheikh Ibn Baz. Il leur a montré la réalité de Jama'at Tabligh. Et il a des lettres qu'il s'est échangées avec Inam al-Hassan, dans lesquelles Inam al-Hassan reconnaissait le fait de prendre une allégeance, le Bay'a. Donc Cheikh Saad al-Hassan, Saad al-Hussein dit, on ne connaît pas ce groupe, à cette Jama'a, qu'ils aient écrit un pacte ou quelque chose qui est clair sur sa voie. Parce qu'ils n'utilisent pas les choses de l'administration nouvelle. Ils n'utilisent pas les écritures. Toute la stratégie de la Jama'a se fait de bouche à oreille, avec les moyens simples, sans avoir besoin de cette culture internationale importée. Il dit, il n'apparaît pas de la voix à celui, l'adepte normal, le nouveau et l'adepte normal, il n'apparaît des activités de ce groupe que le fait qu'il lise les 10 derniers sourates, les 10 derniers sourates du Coran avec Fatihat al-Kitab et le fait qu'il lise dans Riyad al-Salihin et le fait qu'il lise dans Hayat al-Sahaba, la vie des compagnons. Al-Kandahlawi, il laisse des histoires sur les prophètes, sur les compagnons de Mohammed alayhi salam, et beaucoup de ces histoires sont fausses et sont non avenantes. Et surtout, ces deux livres, que ce soit Riyad Salihin, Hayat Sahaba ont été réservés seulement aux Arabes. Mais il y a un autre livre qui s'appelle Tbligh Nisab. Tu peux le traduire avec les enseignements de l'islam. Et il y a Mohamed Zakaria aussi. Et celui-là, il est pour les non-arabes. Et ce livre concerne les vertus des actes, mais tout s'accomplit sur des histoires et sur des hadiths faibles et sur des hadiths inventés et sur des histoires à dormir debout et sur des innovations souvent, et il y a beaucoup d'associationnisme dedans. Et cher de nous dire, je vais vous exposer certains passages. Je vais vous exposer certains passages pour que vous vous rendez compte. Et si on rajoute à tout ça les fondements du groupe, les six fondements du groupe. Et ces dernières années, ils ont changé le nom de ces fondements en les appelant Sifat Sit, les six Sifat. Les six Sifat choisis parmi les attributs du compagnon, les six bons attributs choisis parmi les attributs du compagnon. Et il apparaît, dit Cheikh Najmi Hafidhahullah, et il apparaît, dit Cheikh Hada Saad Al-Hussein, que la direction du groupe, après ce changement dont a changé le nom des fondements de Al-Jama'a, les six fondements de Al-Jama'a, aux six attributs de Al-Jama'a, pour se débarrasser des accusations qui mettent les gens, qui mettent les hommes de science contre ce groupe. Parce qu'il y avait une accusation qui les accusait comme quoi ils ont pris les six fondements à la place des cinq piliers de l'islam. Et donc, puisqu'ils ont entendu ces accusations, ils ont changé. Ils ont dit « Sifat Sit » choisi dans les sifat du compagnon de Mohammed alayhi sallatou salam. « Fa kama sami'ta akhi, l'arab min at-tablighin iqra'una fi riyad salihin, wa kitab hayat sahaba, wa lidalika kullu tablighi indahu nuskha min hadayn al-kitabayn. Hada asas indahum. Wa tablighi nisab maktoub bil-lugha al-urdiya. Wa huwa lil-ajam, wa fihi khurafat, wa shirkiyat, wa sufiyat, wa bid'a. فهذه ازدواجية عند التبليغ العرب لهم كتاب والعجم لهم كتاب فرعون الله عز وجل كم تلا انتندو les arabes de جماعة التبليغ lisent dans Riyad Salihin et dans Hayat Sahaba. C'est pour ça que tout tablighi digne du nom, ben il a Riyad Salihin à la maison, il a Hayat Sahaba, ces deux livres, c'est la base, c'est lui. Même certains parmi les grands qui est, c'était des intellectuels, un jeune Marocain qui est arrivé du Maroc pour apprendre des sciences ici dans une université scientifique dans le nord de la France. Et au lieu de rester dans ses études, ça fait maintenant plus de 20 ans qu'il est dans cette jama'a. Et mon beau-père le connaissait. Et ce jeune a dit une fois à mon beau-père, j'avais beaucoup de livres de la religion. J'ai tout laissé mis de côté et j'ai gardé tout simplement Riyad Salihin et Hayat Sahaba. Regardez. J'ai tout mis de côté. Et j'ai gardé Riyad Salihin et Hayat Sahaba. Et un de ses parents l'a envoyé en France pour avoir un diplôme. Voici donc quoi, il est revenu avec une énorme innovation. Et c'est l'une de leurs grandes têtes dans le nord de la France, dans la ville de Dunkerque. Et regardez, Tbligh Nisab, il est écrit en ourdou. Il est pour les non-arabes. Et dans ce Tbligh Nisab, il y a que des histoires à dormir debout, il y a de l'associationnisme, il y a du soufisme, il y a des innovations. Et ça, c'est le double visage de Jama'at Tbligh. Les Arabes ont un livre, et l'Ajam et les non-Arabes ont un autre livre. Al-Arab, l'Aum Kitab fi Fada'il Amal, Riyad Salihin, wa hada min Ahsan al-Kutub. Lakin, l'au anna soufi akafa ala Riyad Salihin, la yuhassil ala aqida, salafiya sahiha. Ghalib al-Kitab, وهو كتاب جيد ومبارك في فضائل الأعمال والآداب والأخلاق إلى آخره. Donc les Arabes parmi les Tblighiyin, ils ont pour la science des vertus des actes, les vertus des actes, Riyad Salihin, qui est un noble livre, un livre béni min Allah Azza wa Jal, un bon livre. Mais si le Tblighi se penche sur ce livre, il le lit toute sa vie, il va pas acquérir le dogme authentique. Car la majorité des hadiths qu'il y a dans Riyad Salihin concernent le comportement, etc. Et il n'y a aucun doute que ce livre, s'il est pris par l'explication d'un nom de science, on peut obtenir beaucoup de choses. Mais, walakin soufi, ida'akafa ala Riyad Salihin, wa tabligh ida'akafa ala Riyad Salihin, la yasilu ila al-aqida al-salafiya. Wa anna lahu dhalik, wa huwa fi manhaj al-jama'a, أنه يقرأ فقط بدون شرح وينتظرون النور ويثيرون شبهة بأن الشيخ العثيمين زكاهم، وهذا غير صحيح. ولو افترضنا ذلك لماذا لا يقرؤون رياض الصالحين بشرح العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى؟ هذا لأنه فيه بيان، في شرح الشيخ العثيمين بيان وتوضيح للمنهج وللعقيدة السلفية وتحذير من البدع وما لا إلى ذلك، وهذا يقولون مخالف لأصول الجماعة. التفسير تفسير الأحاديث مخالف لأصول الجماعة، وهذا الكتب لرياض الصالحين للعرب فقط، كما قال لي أحد قدمائهم وهو عبد الرشيد الجزار هذا في مرسيليا ومن كبرائهم، ومن كنت معهم في سويسرا في مسجد، فقلت لبعض الأخوة في المجلس عن حديث أبي بكر الكيس من دان نفسه، وهذا حديث ضعيف، فنظر إلي فقال لهذا المشايخ فهموا أنكم مشوشون فجعلوا لكم أنتم العرب رياض الصالحين. هكذا نحن ذكرنا فقط حكم أهل الحديث على الحديث بأنه ضعيف، والرجل طار وقال لهذا المشايخ فهموا كل شيء فجعلوا لكم أنتم العرب رياض الصالحين وللعجم نصاب تبليغ. وهذا الكتاب نصاب تبليغ مليء بالشركيات والخرافات وما لا يصح في هذا الدين. فأنا الله عز وجل سيلو صوفي لتبليغي سبون سيغ رياض الصالحين توت سافي يبقى أغيبي أن دوغم أوتنتيك. Comment il peut y arriver alors que la voie de la jama'a tablir, c'est lire le hadith sans explication et attendre que la lumière descende. Subhanallah. Et attendre la lumière. La lumière de quoi? Quelle lumière tu vas attendre? Et il propage une ambiguïté comme quoi Cheikh Al-Uthaymin leur a fait des éloges. Et ceci, ce n'est pas vrai. On verra bien quand on arrivera à ce qu'a écrit Sultan Al-Eid sur Jama'at Al-Hbab. Vous allez voir les paroles de Cheikh Al-Uthaymin, ils sont contre eux. Maintenant, supposons que Cheikh Al-Uthaymin vous a fait des éloges. Pourquoi dans vos centres et dans vos cercles d'enseignement, vous étudiez pas Riyad Salihin avec l'interprétation de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullah alayh? Pourquoi ils ne le font pas? Parce que ceci est en divergence avec les principes fondamentaux qui sont décrétés par les instances dirigeantes de Jama'at Tabligh dans le monde qui sont en Inde. Et parce que aussi, un autre point essentiel, c'est dans le fait de lire Riyad Salihin avec l'explication de Cheikh Al-Uthaymin, ils vont se retrouver avec, il y a l'éclaircissement sur l'aqidah salafia, il y a l'avertissement contre les innovations, il y a l'avertissement contre l'associationnisme, et il y a. Et ceci, ils ne le veulent pas. Et donc, ce livre, Riyad Salihin, il est tout simplement pour les Arabes. Et une fois, avec de leur tête à Marseille, qui s'appelle Abdelrachid, il est boucher à Marseille, j'étais avec eux en Suisse. Et à un moment donné, dans l'assise, il y a quelqu'un qui lit le hadith, celui qui est le Kayis, celui qui est doué de raison, Zama. Il travaille pour le delà, etc. Je lui dis, ce hadith, il est daif, que les hommes de science ont décrété qu'il est daif, etc. Pour les raisons que Ibn Abi Mariam, quand arrivé à un certain âge, quand sa maison a brûlé, il a été perturbé, que voilà. Et le hadith, il est daif. Il a hurlé à mon visage, il m'a dit, c'est pour ça, le mashaykh de la da'wa ont compris toutes choses. Ils ont fait qu'ils vous ont réservé, vous les Arabes, Riyad Salihin. Regardez, nous on attire l'attention. Sur un hadith qui est daif, regardez qu'est-ce qu'on nous oppose. Regardez cette claque devant nous qu'ils mettent. Et il a dit, et Al-Ajam, ils ont réservé Nisab Tablighi. Et Nisab Tablighi, les enseignements de l'islam, c'est un livre dans lequel il y a que de l'associationnisme. Beaucoup d'associationnisme. Beaucoup des histoires à dormir debout. Et des choses qui ne sont pas venantes dans la religion d'Allah Azza wa Jal. والعربي أخي الإسلام إذا طال أمده في هذه الجماعة يتحول شيئا فشيئا إلى صوفي، وتلاحظ عليهم حركات بعد الآذان، يأخذ الأصبع وانظر كيف يمسحون على عيونهم بالأصبع، بأصبع بظهر أصبعهم يمسحون عينيهم ويقبلون، هكذا يبدأ ببعض الحركات. وإن تمكن فيه منهج الجماعة وتاقوا فيه، بايع على الطرق الصوفية كما فعل بعض المسلمين الإسبان من شمال فرنسا عندما بايع، وكانت البيعة في مركز حافظ باتل بإنجلترا، وكان آنذاك أمير أوروبا ذلك الوقت وهو من الهنود، خرج من بيعته فرحا ويتفاخر أمام بعض إخواننا الجزائريين الذين حفظهم الله من هذا الشر وهذه البدعة المنكرة. يقول تيما نتنفخه من الله عز وجل. العرب quand il passe beaucoup de temps avec jamaat tabligh petit à petit il gobe le sophisme. Et on commence, là je l'ai observé chez certains, à voir certains de leurs et à voir certains tics d'Al Tablighin al-Kbar. Tu fais partie certains soufis et Tablighin, quand il y a la dan, quand ils entendent la dan, ils prennent leur pouce, ils le passent sur les yeux et ils les embrassent, les deux pouces, de la main droite et de la main gauche. Et beaucoup, j'ai remarqué beaucoup de Tablighin qui font ça. Ils commencent par des petits gestes comme ça. Mais quand ils sont imbibés de la voix d'El Tablir et que les Tabliris ont confiance d'eux et que leurs chouïurs dans leur pays ont confiance d'eux, ils les envoient à ce moment-là, ils font l'allégeance sur les voix soufis. Comme il a fait ce jeune Espagnol qui vit au nord de la France, quand il a fait son allégeance à Hafez Patel en Angleterre. À cette époque, Hafez Patel était l'émir d'Europe. Et pendant l'ijtima européen, je crois que c'est tous les 4 mois, ils font la réunion européenne. Donc à cette époque-là, ce jeune était là-bas avec un certain nombre de frères du Nord. Et quand il a fait son allégeance, il est sorti réjoui. Me raconte l'un de nos frères digne de voix, un frère algérien qui était avec eux, que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé son mal, il est sorti. Il a dit, à ce moment-là, ils avaient la haine parce que, ouais, il a eu une chose qu'eux, ils l'ont pas eu, il a fait l'allégeance. Et comme Allah, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il les a préservés de ce mal et du site innovation blâmable. Falhasil, wa naqatlat lana, naqalat li zawjati, had l'akhawat, wa hiya sihratul li Yunus Amir Faransa, anna hiya wa zawjuha, ay hadhi l'ukht wa zawjuha, في الهند بايعت عام الحسن قبل وفاته، وكانت صورة البيعة هكذا كما حكت لزوجتي، أنهم كانوا في ساحة الرجال الأمام والنساء في الوراء، ويفصل بينهم حجاب وحبل طويل ممتد في أوله يقبض إنعام الحسن، وكل رجل يقبض على الحبل، والنساء كذلك في الوراء، وكانوا يرددون هذا الكلام: نبايع محمد إلياس عن طريق إنعام الحسن على شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة والزكاة. انظروا إلى هذه البيعة، هكذا أكان عند السلف رضوان الله عليهم مثل هذه البيعة، أن أبايع الأموات عن طريق الأحياء. Et il m'a été rapporté par mon épouse qui l'a tenu directement d'une des belles sœurs de Younes Ben Tounes, l'émir de France. Cette belle sœur de Younes a été avec son mari en Inde. C'est des anciens, c'est des érudits d'El Tablir. Ils ont fait l'allégeance à Inam al-Hassan avant sa mort. L'image de cette allégeance s'est passée ainsi, comme il a été conté à ma femme. Ils étaient sur un terrain vague, les hommes étaient devant et les femmes derrière, il y avait un hijab. Je ne sais pas comment ils ont tenu le hijab. Il y avait une longue corde, donc au début de la corde, il y avait Inam al-Hassan. Et les hommes, chacun tenu la corde, et derrière les femmes qui tenaient aussi, et ils répétaient ces paroles. Nous faisons l'allégeance à Mohamed Ilyas par l'intermédiaire d'Inam al-Hassan. Nous lui faisons l'allégeance pour l'attestation de foi, et pour la prière, et pour etc. Regardez cette allégeance. Depuis quand on fait l'allégeance aux morts par l'intermédiaire des vivants? Et depuis quand nous pisaïeul, Ardouallah alayhim, on prie une allégeance pour les 5 piliers de l'islam? Subhanallah. وكثير فالحاصل إخوة الإسلام أن التبليغ العربي إما أن يقف على مشارب التصوف فيرحمه الله فيعود، وإما أن يهلك ويسقط في متاهة التصوف. فالعربي إذا كان تبليغيا 20 سنة أو أكثر مع التبليغين تجده قريبا جدا من التصوف إن لم يكن صوفيا، وتجده لا ينكر الشرك والبدع. وجرى لهذا لصهري أن كان هو كان معهم وكان في الهند وكانوا في سفرة يأكلون، والذي كان يضع الأكل على السفرة هندي وكان بيده في مرفقه هذا حرز، فنظر صهري إلى هذا الحرز فاستغرب هذا الأمر، ولكن رمقه أحد كبارهم فقال أتركه لا تقل له شيئا، عندما سيفهم سيترك هذا كله، سأل الله سبحانه وتعالى السلام. فكيف ينكرون؟ متى ينكرون المنكر؟ هذا شرك بالله، تعلق بغير الله. فانظر هذا كبيرهم يقول أترك، عندما سيفهم سيترك. Le résultat, frère, en Allah, c'est le tibliri arabe. Quand il reste un laps de temps avec Jama'at Tibliri, il devient soufi. Soit il voit le soufisme, il le découvre, donc à ce moment-là, si Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, il se repent et il revient. Soit il tombe sur sa tête dans l'égard mondial, le soufisme. L'arabe, s'il a 20 ans dans le soufisme, dans le tablir, au plus ou moins, tu le trouves proche du soufisme, même s'il n'est pas soufi. Tu vois, même il ne blâme même plus. Le fait de blâmer l'associationnisme et les innovations, c'est tué en lui. Et voici une histoire qui est arrivée avec mon beau-père. Il était en Inde quand il était avec eux. Et au moment d'un repas sur la soufra, à un moment de celui qui posait le repas était un hindou. Il avait une amulette autour du bras. Et cela a étonné mon beau-père. Il allait dire quelque chose, mais l'un de leurs grands lui a dit non, laisse-le. Quand il comprendra, il va l'enlever lui-même. Regarde, frère en Allah, azzawajal. L'associationnisme. Cette personne est attachée à cette amulette. Va voir ce qu'il croit en cette amulette et regardez. Il dit, laisse-le. Ne lui dis rien. Quand il comprendra, il va l'enlever. واسمع لأحد الإخوة الجزائريين من كبارهم في مونت لا جولي. وهذا كذلك مركز من مراكزهم في ضواحي باريس. يحكي أنه كان في جزر القمر وخرج معهم للجولة الخضر. نعم كما سمعت. وعندما كلمه أحد إخواننا الذين تركوا مهاجر الآن إلى الجزائر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في أهله وفي هجرته، طار غضبه وأتاه أخونا بالدليل أن الخضر ميت. ولكن كثير من التبليغين عندهم هذا المعتقد بأن الخضر حي وبأنه معهم ومن أتباعهم. Écoute maintenant cette histoire à dormir debout d'un des frères algériens parmi leurs grands à Mont-la-Jolie dans la région parisienne. Mont-la-Jolie, c'est un fief aussi, dit Al-Jama'at Tabligh. Il compte cette histoire quand il était aux îles Comores. Il disait que dans la jaoula qu'il faisait, dans la promenade qu'il faisait à travers les ruelles, le Khadir était avec eux. Le Khadir était avec eux. Comme tu l'entends, frère en Allah, Azza wa Jal. Et quand l'un de leurs frères qui était avec eux auparavant, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a guidé, lui a dit, qu'est-ce que tu racontes? Reviens à ta raison. Le Khadr est mort. Il lui a ramené les preuves comme quoi le Khadr est mort. La personne, cet Algérien, ce tubléré s'est mis en colère. Mais beaucoup de tublérés croient que le Khadr ont cette croyance, que le Khadr est vivant et qu'il fait des daurats avec eux. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, salam alaikum. Et sache, frère en Allah, azzawajal, les Arabes en général, c'est un appât pour tubléréine. Comment? Dans quel sens? Ils utilisent tubléréine là-bas en Inde et au Pakistan pour attraper et pour avoir dans leur filet les hindous. Quand ils présentent les arabes à Al-Ajam, ils leur disent, aux hindous, ils leur disent, regardez, les enfants des compagnons de Mohammed al-Sallam sont venus vous rendre visite. Imagine les gens, ils aiment Mohammed al-Sallam, ils aiment ses compagnons. Ils nous apportent que les frères qui ont été là-bas, on venait, on les caressait, on prenait la bénédiction sur leurs épaules. Un de nos frères, qui est resté 15 ans avec eux, nous raconte ceci. il dit, il est digne du foi, et c'est un salafi maintenant, alhamdoulilah. Il dit, ils étaient en Inde, et ils faisaient des bayan. Il dit, moi je parlais 10 minutes, avec le peu d'arabe que je connaissais, il m'a dit le traducteur, il fait 3 quarts d'heure, et tout d'un coup la salle tremble, et tu entends dans la salle, oh le zindagi, Allahu Akbar, oh le zindagi. Il dit, je ne comprends rien. Et ce que disait Adak, je ne sais pas ce qu'il leur disait, ce qu'il leur traduisait, en tous les cas, au moins ils s'écriaient Allahu Akbar, nous sortirons toute la vie. Va voir ce qu'il leur a dit. Va voir ce qu'il a dit. C'est-à-dire que les Arabes, c'est pour ça qu'ils incitent surtout sur les Maghrébins de France et d'Europe pour les envoyer beaucoup là-bas, parce que c'est un bon appât. Wa katirun min ikhwanina akhrajahum Allah subhanahu wa ta'ala. من شر هذه الجماعة ومنهم من كان 14 أشهر في خدمة المشايخ في الهند ورأى أشياء يندى لها الجبين ومن جملة ما رأى أن إنعام الحسن عندما يجلس للذكر بعد صلاة العصر يتفل في قارورة وعندما يأتي من يشتكي يجعل له فيها الماء ويشرب منها وقال أن بعضهم كان يتزاحم على الكأس الذي يشرب فيه مشايخ التبليغين حتى يضع فمه في الموضع الذي كانت عليه شفاة المشايخ أليس هذا من أفعال الصوفية ومريد الصوفية ومما رؤية عن بعض المتصوفة وبعض الشيوخ الصوفية في شمال في شريط المرئي في شمال المغرب أن هذا الشيخ دخل المجلس في البيت وذفل عليهم وقاموا جميعا يتضاربون على نخامته نسأل الله السلامة والعافية. Donc, فهنا الله عز وجل aussi parmi beaucoup de notre frère et celui de qui on tient cette histoire, c'est quelqu'un qui est resté 4 mois au service d'El Mashaykh en Inde et au Pakistan. Et maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé d'un bienfait, c'est qu'il a, il a connu le Minhaj Salafi depuis 13 années maintenant, et qu'il est maintenant à Médine. Et il disait au moment où il était au service d'El Mashaykh en Inde, il a vu des choses bizarres. Et au moment, il dit, au moment où Inam al-Hassan se mettait sur le côté et faisait son dhikr après l'asr, il crachait dans une bouteille. Il dit, quand quelqu'un, on ramène un malade ou quelqu'un qui se plaint ou quoi que ce soit, on mettait de l'eau dans cette bouteille, on lui donnait à boire. Ce sont des actes d'Al-Soufiya à l'islam. Et il dit, certains parmi eux se bousculaient au moment où le cheikh boit dans un verre et pose le verre, ils se bousculaient pour prendre et boire le reste du verre et mettre leurs lèvres là où a été la lèvre d'Al-Mashayikh. Ce sont des actes d'Al-Soufi, il y a les disciples d'Al-Soufiya. Oui, certains de nos, il y a même une cassette vidéo que certains de nos frères salafis ont vue. Quand un cheikh parmi les mouchaïrs d'Al-Soufia rentre à l'intérieur d'une passe ou d'une maison, il crache par toutes ses forces. Et tous ceux qui sont là se lèvent pour s'arracher son crachat et pour essuyer leur visage avec. Eh oui, frère en Allah Azza wa Jal. Il faut savoir où est-ce que nous allons met les pieds. Fansallah subhanahu wa ta'ala j'alna wa yakum mina. المقتفين لسلفهم الصالح وأن يعفو عنا وأن يختم لنا في هذا المنهج صلى الله سبحانه وتعالى ذلك إنه هو ولي ذلك والقادر عليه ويكون موقفنا هنا إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير.